Onzième doigt était aussi dur que du rock. Il était capable de faire du rock. Son onzième doigt était si solide, si rapide, si fort. va suivre le métronome. Le métronome est mort. Le métronome est décédé. Le métronome. Le métronome. Thank you. Thank you. Thank you.

J'ai dit j'ai bébé. Il a le slip marron. Il a le slip marron. Il a lavé son slip blanc clair. Il a lavé son slip la veille. Il a pété dans son slip blanc. Il faut pas boire l'apéro avant de monter en haut. Il faut pas boire l'apéro avant de faire de l'escalade. Faut pas boire l'apéro Edo, t'as pris l'apéro? Il a pris l'apéro, il a pris l'apéro, il a pris l'apéro. Il a pris l'apéro. C'est l'heure de manger une salade. C'est l'heure de manger une salade. Pas d'alcool, pas de fumée. Dans mon corps veut accepter. Il a pris l'apéro avant de faire de l'escalade. Je vous dis pas le carnage à l'arrivée. Il a pris. Comment ça s'appelle déjà le truc au cirque où on se tient et on balance en haut comme ça, en hauteur? Merde, putain, j'ai oublié. Trapéziste. J'ai bu l'apéro avant de faire du trapèze avec. J'ai lâché mon ami, il a lâché son ami. Rien ne vaut une bonne salade, mon gars. Tu trouves pas? Une bonne salade composée des tomates et des carottes râpées, des oignons, des avocats, des amandes, des noix, des concombres, tout ça mélangé dans une assiette. Un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre ou de citron. Le bonheur est là. Tu trouves pas? Je vais aller manger. I go hit. Thank you. Thank you.